Indépendance Oyo Yabiso et Jali à la communauté Mindeleo Rabato Baino Bosepela et Longo Indépendance ya République du Congo Indépendance Oyo Yabiso et Jali à Boneko Baringa Bakongo Nabangana Tozali Motu Moko Dosepela Indépendance République du Congo. Tata